sur le vif. Écoutez. Monsieur, un téléx pour vous. Ce n'est pas possible. Appelez Monio et dites-lui de venir tout de suite. Quelque chose qui ne va pas, monsieur? Machinex nous demande de suspendre nos livraisons. C'est notre plus gros client en ce moment. Vous voulez me voir? Oui. Lisez. C'est un sale coup. Dire que nous avons modifié tout un atelier pour eux. Et dire que j'ai refusé plusieurs commandes pour mieux les satisfaire. Répétez. Monsieur, un téléx pour vous. Ce n'est pas possible. Appelez Monio et dites-lui de venir tout de suite. Quelque chose qui ne va pas, monsieur? Machinex nous demande de suspendre nos livraisons. C'est notre plus gros client en ce moment. Vous voulez me voir? Oui. Lisez. C'est un sale coup. Dire que nous avons modifié tout un atelier pour eux. Et dire que j'ai refusé plusieurs commandes pour mieux les satisfaire. Écoutez. Tu n'as pas l'air content. Non, je viens de me faire passer par les flics. Tu roulais trop lentement? Et dire que je savais qu'ils étaient là. Comment ça? Un automobiliste m'avait fait des appels de phare. Donc j'avais ralenti. Je ne dépassais pas le 80. Et alors? Je n'avais pas vu un panneau. La vitesse était limitée à 60 à cet endroit-là. Répétez. Tu n'as pas l'air content. Non, je viens de me faire pincer par les flics. Tu roulais trop lentement? Et dire que je savais qu'ils étaient là. Comment ça? Un automobiliste m'avait fait des appels de phare. Donc j'avais ralenti. Je ne dépassais pas le 80. Et alors? Je n'avais pas vu un panneau. La vitesse était limitée à 60 à cet endroit-là.